Vous êtes assez fou. Spin pour l'écouter. 89.1. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage requis. Simon Fitzbé fera la deuxième partie de son exposé sur Freddie Mercury de Queen dans Phénomène. Et on reçoit François Landry avec sa chronique politique. C'est Assemblage requis, ça commence maintenant! Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis, votre émission matinale en pièces détachées. Moi, c'est Mathieu Plante. Bon, François Olivier. Et t'en dirais des sous de ces fous à Trois-Rivières, je pense. Trois-Rivières, c'est ça? À Mauricie. En Mauricie. En Mauricie. Dans la grande région du Trois-Rivières métropolitain. Ouais. on est le jeudi 1er décembre 2011. Il est 7h02. Maudit pas bon. Maudit pas bon. Ouais. Bon, t'as faim toi, matin? J'ai fait de l'intimidation un peu. Ouais, non, c'est ça que je vois, là. Ouais. Écoute, arrête. C'est fait. Si seulement les choses étaient aussi simples dans la vie. Arrête ouais. d'en faire. Bon, c'est arrête. Pas. OK. OK. Bon. Fini. Hey, Mathieu, tu l'as dit 1er décembre, hein? Oui. 1er décembre. L'après-moustache. La journée qu'on attendait tous depuis des années. Mm-hmm. Oui, ou au moins un douzième d'année. Mais tu sais que vraiment, un mois dans l'année, c'est long en mots, t'as dit. C'est pas si pire que ça. Tu trouves? Ouais. Un mois, c'est comme 0.5 sixième d'année, ça. Écoute, je vais être franc avec toi, je me suis attaché à ma moustache. Tu veux la garder, non? Non, non, non. Ah! Je pense que oui. Oh, ben, Carl! Je pense que oui. En fait, je vais peut-être la garder pour le plus grand plaisir. Non, mais pour le plus grand plaisir de François Landry. Ah! Un moustachu, un barbu lui-même. Écoute, t'aimerais-tu ça voir François Landry? Pas de moustache, pas de barbe. C'est sûr! Je me suis toujours demandé de quoi ça avait l'air, un François Landry. Mais c'est ça, c'est ça. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais vu. Non, moi non plus. Je crois pas, en tout cas. Non, non, je crois pas non plus. Je pense qu'il disait qu'il la portait fièrement depuis 2005. Ah! Ça fait quand même 6 ans. C'est ça. 7 ans proche. Ouais. Donc, j'ai hâte de voir ce qui se cache derrière ça. Tu vas faire ça à la galerie, hein? Ben non, je sais pas. Écoute, on va regarder, là. Je pense que lui, il me lance un défi. Si je l'ai réussi, lui, il rase sa barbe. OK, parfait. Après ça, prochaine étape, allez le faire. Bonne chance. Hein? Ouais. C'est rock classique, non, vous l'avez peut-être croisé, peut-être pas aussi. À cette heure-ci, on s'en fout, tu sais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ça tombe à plat, ça. Hein? Ouais. Donc, aujourd'hui, ouais. À l'émission. Ouais. Ouais. Ah, les blagues internes. Hey, je suis mené un matin, j'ai oublié mes écouteurs. Ah, ben oui. Mais ça arrive, hein. Tout le monde oublie quelque chose à un moment donné, là. Faut pas s'en faire avec ça. La vie continue, hein. Tu sais, ne désespérez pas, n'abandonnez pas la vie, tout continue. Tout continue. Et plus tard, tu vas en rire. Hier, j'avais l'impression que la vie s'est arrêtée, par exemple, parce que j'avais plus Internet, j'avais plus le câble. Chez vous, plus la télévision. Comment ça? Je sais pas. Quelqu'un a pas payé le compte? Non, parce qu'à matin, on l'avait. Bon, panne temporaire. Ouais, c'est... panne temporaire, mais qui était très long. Ouais, en fait, ça, je pense... Mettons 5h moins le quart jusqu'à je sais plus quelle heure. En fait, je me suis couché avec. T'as manqué les auditions de Star Academy? Sûrement, là. Je pouvais pas appeler personne pour que l'enregistre non plus. En plus. Tu sais, quand ça va pas bien. Hein. Bon. Donc, aujourd'hui à l'émission, la chronique Geek CNX est de retour avec notre semaine des chansons connues version chiptune. Et aujourd'hui, on va entendre du OK Go. Oh. Oh que oui. Une pièce que tout le monde adore. Un succès monstre de C'est fou. Le succès du vidéo, là. Non? Ben, un de leurs le nombreux premier, vidéoclips. Non, non, non. Non? Celui avec les chiens. Oh. Aha. Aussi, la chronique Phénomène avec Simon Fitzbé. Aujourd'hui, il continue son exposé sur Freddie Mercury de Queen. Freddie Mercury. Freddie Mercury? Frédéric Mercure. Frédéric Mercure, un gars avec qui je suis allé au secondaire. Es-tu sérieux? Ouais. Mais arrête donc! Qui est rendu... hey man, c'est vraiment impressionnant son parcours. Il est rendu prof de philo, mais ce gars-là était tellement tannant. Ah? Il était tellement tannant. C'est drôle. C'est comme si François Olivier finissait physicien. Ouais, et genre, ça serait surprenant. Ouais. Ah! Eh ben, donc, sérieusement, Frédéric Mercure, c'est incroyable comme nom. C'est génial, man. C'est fantastique. T'aimes ça? Ben oui. Freddie Mercury. Freddie Mercury. Man. Man. OK. Bon. Puis ta mère, c'est Reine Marlo, mettons. Queen Marlo. Trop loin. OK. Aussi, en dernière demi-heure à 8h30, Logocratie 101 avec François Landry. Frank the Tank. Frank the Tank. Frank the Tank nous parle de politique. Wow, hein? Fantastique. De quoi il nous parle? Est-ce que tu sais? Oui, il nous parle de la crise du leadership au PQ, d'une crisette d'égo au PVQ et de la crise existentialiste à la CAQ ADEC. CAQ ADEC. Oh, CAQ ADEC. CAQ ADEC. Ça va ressembler à ça. Oh non, mais là, ben non. Y a non, pas... non. C'est pas... Est-ce que c'est pas par exprès qu'il y a écrit ça CAQ ADEC? CAQ ADEC. Je sais pas. Hein. Ou ça a donné le même. Ça. Mais pourquoi ça te ferait c'est tellement bas de gamme comme blague? Ouais, mais tu sais, ça vole pas haut non plus. Ouais, mais attends un peu, là. Mes blagues à moi sont poches, mais c'est comme voulu et comme ironique. C'est hipster au bout de ça. Ouais. Fait que celle-là, est-ce qu'elle l'est? C'est dur à dire. Hey, c'est la fête à François Landry aujourd'hui. Hey, c'est vrai. C'est vrai. Wow! Mais fallait pas le dire parce qu'on sait qu'il nous écoute à cette heure-ci, donc on aurait pu attendre, pas le remarquer, et puis à 8h30, go la grosse chanson. Hein. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai. Écoute, On va y préparer une petite surprise. Ouais. Hein? On se manigance quelque chose. Pour l'instant, on écoute Violette P. Voici USB. Assemblage requis. Passe une belle émission avec nous. Hein? Caca des culs. Des blagues de même, il y en a tout le long. Sexuel de s'aimer dans cette douche de pixels, le plafond illuminé de lumière de Noël, c'est la même mélodie qui joue dans nos têtes. Dans ma tête, j'envoyais des messages dans les airs, reflétés par mes noms de satellite. Ils s'en sont retournés sur terre, mes courriels. Oh, sirop d'érable. Oui, je t'aime, mais je ne sais plus si tu m'aimes ou bien si tu veux partir. Alors tout est fini. Sache que je t'aime, mais ne me reviens plus. Mais ne me reviens plus. Veux-tu brancher ta langue USB sur mon ordinateur?

Entre autres, la collègue Six, mais ça devrait répondre là. Oui. Hein? Puis de la musique, j'espère. Oui, hein? Puis François Landry plus tard. François Landry plus tard. Ah, on l'oublie pas. Bonne fête. Bon. Bonne fête. Ouais. Bonne fête, bonne fête. Il va l'entendre souvent, je pense, aujourd'hui. Parce que oui. Ben oui, restez là. C'est assez fou pour l'écouter. 89.1 Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. François Olivier, Mathieu Plante, Assemblage requis en pièces détachées. Non, ça partira pas. Ça va partir, jamais. Mathieu. Ça va partir. Ça part jamais, ce maudit site-là. Sérieux, c'est n'importe quoi, ces temps-ci. Ah, c'est une bonne pièce, en plus. Ah ouais, elle s'en vient, là. Regarde, j'ai reparti. Mumford & Sons. Eh oui. Tu veux-tu la présenter? C'est Little Lion Man. Oui. Ça saute au bout, tu sais. Ah. On danse. C'est vrai. C'est quoi? M'arrêter de dire ça. On se retourne. De bord. On écoute Propofol. Voici Il pleut. Ah, ça va jouer. Il pleut dans nos têtes. Il pleut dans nos têtes. À cause d'Internet. C'est peut-être à cause de toi. Hier, il marchait pas chez vous, là. T'as ramené ça ici, toi, là? Ouais, ça, c'est pas... Bye, François. Oh, ouais, Mathieu. Petit coquet. Aujourd'hui, il pleut dans mon appartement.

Peter, Peter et la pièce Rien ne nous rassemble à Jouricky. Rassemble à Jouricky. Oui, c'est ça. Rien ne nous rassemble à Jouricky. À la fin de la première heure, Simon Fitzbé s'en vient tantôt avec sa chronique Phénomène. Deuxième partie de Freddie Mercury. Oui, et vers 8h30, en fait, on va recevoir François Landry qui va nous parler de politique. Il va faire le tour hein, ce matin. Ah oui, il parle de beaucoup de choses aujourd'hui. Hein, on l'a dit tantôt. Il va parler de la crise de leadership au PQ, d'une crise d'égo au PVQ et d'une crise existentialiste à la CACADQ. À l'entendre parler, il y a juste les libéraux qui ça vont bien. Mmh. C'est vrai, ça. Bizarre. Bizarre. Pour l'instant, c'est l'Info Campus. Restez là. C'est assez fou pour l'écouter. Deuxième heure de l'Assemblage Requis, en ce jeudi 1er décembre 2011. Salut, c'est François-Louis Marchand. Salut, c'est Mathieu Plante. Simon Fitzbé s'en vient dans quelques minutes avec sa chronique Phénomène. Mais avant ça, on va l'entendre, Cœur de pirate et adieu. Adieu. Adieu. On ne sait pas au revoir là, par contre. Non, pas tout de suite. Non, la fin de semaine s'en vient, mais à un moment donné, hein, une chose à la fois. On va pas botcher le reste de l'émission. Hein. Ben non. Ben non. En plus, c'est de qualité, on a des... On a des chroniqueurs de qualité. On appelle ça des matériaux de qualité. Des matériaux. Le jargon. On les prend tous pour des objets. Hein? Cool. Il a pas l'air d'aimer ça se faire prendre pour un objet. Ah, finalement, il aime ça. Ok, cool. Ça veut-tu dire quelque chose? Tu ris si mal, tu ris de vide. Des taches de vin sur ta chemise. Qui a de boutons éclatés sur ton corps qui me repoussait. Tu fais l'amour en deux poussées. L'amour, le manque, la tournée. Et pendant que tu t'articules, moi je soupire et toi tu m'aimes. Le menace t'es parti. Tu chantes tes souvenirs. Eh bien chérie, prends donc la peur. Car tu sais que plus rien ne me fait. Mais dis-moi adieu demain. Mais dis-moi adieu en chemin. Va voir les faux, je n'en pense rien. Je t'ai aimé, je t'assure que c'est la fin. Gentil, ça va comme ça. Des amis, j'en ai plein déjà. Je n'aurai donc plus à t'entendre. Rentrer la nuit quand j'attends l'aube qui arrive en poussant les airs. Moi je me lève et toi tu meurs. Menace de partir. Parce que je hurle quand tu chantes tes souvenirs. Eh bien chérie, prends donc la peur. Car tu sais que plus rien. Oui, Cœur de pirate, t'es la pièce à Dieu. Je suis pas sûr si tu savais. Je reviens, je vois quelqu'un qui me pointe. Parce que je reviens tout le temps de toutes les chansons, puis j'ai l'impression que juste moi qui reviens des chansons, puis je te laisse pas ta place. Non, c'est Cœur de pirate avec la pièce à Dieu, c'est ça? Oui. Bon. Prends la place, François, prends la place. Fuis-le. C'est bon, bonjour. Bonjour. Hey, c'est bon, fais-tu bien, tu viens d'apparaître. Est-ce que tu veux revenir de musique ou de pub, puis faire oui. Oui, bonjour. C'est pas très, très professionnel, hein. OK. Hey. Ça de même, là. Okay. Donc, toujours Assemblage Requis, votre émission matinale en pièces détachées. Oui, morceau de qualité, mix, Simon toc, toc, toc, petit clou, Phénomène, right now. go. Si mon danse, ça va être danser. Au bas, au bas, gauche, droite. A, B, start, select. Oh, petit G. J'ai même sauté en plus. Oui, il a sauté, il a fait un petit pas de bourrin. Là. Petit atterrissage 8 sur 10. Il a même tapé des mains. Bon, donc, Simon Fédé. Écoute, j'ai emmené mon thé, j'ai dansé. Xavier, il va en avoir beaucoup à faire lundi. Ouais. Et puis, t'as une nouvelle souris? Non, mais en fait, j'ai juste emmené ma souris de la maison. Ah, je l'aime pas, cette souris. Es-tu capable, toi? Ah, j'adore. Tu l'adores, hein? Ah oui, j'ai essayé au magasin. Moi, j'adore le poids, le fait que je peux la tenir à deux doigts. Là, c'est parfait, c'est génial, c'est ce que j'ai besoin. C'est ce que j'ai rêvé depuis toutes ces années. Ouais. On parle de la Magic Mouse d'Apple, on pense. Effectivement, oui. Voilà. C'est la souris, là. La Magic Mouse. Et magique, c'est magique. Tu peux faire des mouvements dessus. Tu peux faire du cheerleading sur ta souris. Oui. Puis ça fait des affaires dans ton écran. Effectivement. Donc, Simon, aujourd'hui, on continue ta chronique sur Frédéric Mercure. Oui, Frédéric Mercure. Oh, c'est bon, c'est François, il y avait un ami qui s'appelait Frédéric Mercure. Peux-tu croire ça? C'est incroyable. Oh my God, c'est le gars le plus épique que j'ai jamais vu de ma vie. J'ai entendu parler d'eux, en fait, parce que j'ai jamais vu. Mais c'est un épique win en général. Ouais, il est rendu prof de philo dans un cégep à Montréal. Ah ouais. Et puis ce gars-là était très tannant. Ah, mais c'est... C'est surprenant. Imagine François-Olivier avec un sarreau, peut-être. Non? Ça serait à peu près. Genre physicien, là. Ouais, c'est... Je sais pas, j'y ferais pas confiance. Hey, touche pas pour. Hey, merci. Ça me prend ça le matin. Donc, Reine Malo, c'est le sujet de Tan. Queen, effectivement. Mais messieurs, nous sommes laissés la semaine dernière alors que Queen et son leader, Freddie Mercury, surfaient littéralement sur leur succès avec... Littéralement? Musique. Littéralement. Wow, utilisation du mot littéralement ici. Littéral. Très inapproprié, mais quand même. Ben, littéralement. Ça veut dire que ce serait sur une planche de surf sur la vague de... Comme ça. Ouh. Ah oui. OK, pourquoi donc c'est littéral, parfait. C'est bon. Je suis sûr. OK, d'abord, figurativement. OK, ou figuré. Ça fait figurativement sur... Je corrige son éthique journalistique. C'est non, c'est très bon, mais tu sais, je suis tellement à cheval là-dessus. Donc, Freddie Mercury et Queen surfaient figurativement sur leur succès avec une musique à la fois riche et extrêmement rock grâce aux albums A Night at the Opera, A Day at the Races, Sheer Heart Attack, ainsi que l'album qui a permis à Queen de renaître dans les années 80, The Game. Freddie Mercury est toujours une véritable bête de scène qui arrive à conserver un ton juste malgré l'alcool et les drogues qu'il pouvait s'envoyer pendant les concerts. On parle ici généralement de bière et de cocaïne. À la fin des années 1970, Freddie aborde sa moustache comme un véritable roi et est au sommet de sa popularité. Cette semaine, nous verrons comment Queen s'en est tiré dans les années 1980 et 1990, ainsi qu'une petite partie de la carrière solo de Freddie Mercury. Et sa fin terrible plutôt due, bien sûr, au sida. Et donc, Queen commence les années 1980 en étant au sommet de leur popularité. Pendant la tournée promotionnelle de l'album The Game, le groupe marque l'histoire en étant le premier groupe rock d'envergure à emplir un stade de football américain, de football sud-américain plutôt, donc le soccer plutôt, en plus de donner 5 concerts de suite en Argentine attirant plus de 300 000 personnes. C'est quand même assez incroyable. Une bonne façon de comprendre le phénomène qui était Queen à l'époque, c'est d'écouter une pièce, en fait, ou d'écouter tout simplement, de regarder le concert de Queen réalisé en 1981 à Montréal. Ça a été lancé sous forme de CD, DVD en 2007, d'ailleurs, si jamais vous le recherchez, là, c'est excellent. C'était vraiment le spectacle à Montréal. Spectacle qu'ils ont fait à Montréal. D'ailleurs, Alain Lefebvre, directeur de la prog ici, avait hésité à y aller. Finalement, n'est pas allé. Il l'a regretté par la suite parce que c'était vraiment écœurant. Et donc, pour ajouter à cette popularité, Queen enregistre une des pièces les plus populaires des années 80, une collaboration avec David Bowie qui passait simplement dans le studio le jour de l'enregistrement de cette chanson. Ça a bien tombé. Oui, très bien tombé. C'était sous la pression de Haine et David Bowie. Wow. Non, ben, bien sûr, il s'agit de Queen et David Bowie avec la pièce Under Pressure, un simple qui a été lancé en 1981. Donc, pièce qui a été extrêmement populaire. Ouais. Donc, et ça date de 81. De 81 ou 82, mais je pense plus que c'est 81, oui. Quand même. Quand même, ça vieillit très bien. Oh, oui, c'est la version de Vanilla Ice, elle vieillit pas mal moins bien. Mais la version de Queen et David Bowie est encore d'actualité. Tu pourrais sortir ça comme un hit maintenant et je pense que ça fonctionne. Ah, je pense que ça pourrait. Ouais, c'est assez incroyable. Donc, malheureusement, le tout va bientôt se gâcher. Comme on le disait, Queen était, eux, au top de leur succès, entre autres avec Under Pressure, l'album The Game et les tournées incroyables des années 80. Mais le tout allait bientôt se gâcher alors que le groupe s'envole pour Munich dans le but d'enregistrer leur nouvel album Hot Space. Alors, un album beaucoup plus pop que les albums précédents qui comportait beaucoup d'éléments de funk et de R&B. Brian May et Roger Taylor, respectivement guitariste et batteur de la formation, n'étaient pas satisfaits du nouveau matériel du groupe, mais Freddie Mercury est totalement sous le contrôle de son propre gérant, Paul Prenter. L'homme qui avait une vision assez bizarre de l'industrie, en effet, ne croyait pas à l'influence des stations de radio et de la télévision sur le public. Donc, Queen a cessé... Ah ouais? Ouais, c'est assez incroyable. Okay. Queen a cessé pendant ces années-là, messieurs, toute apparition à la radio et à la télévision, sauf une petite exception, alors que le groupe joue à l'ouverture de la 8e saison de Saturday Night Live. C'était la seule fois qu'ils ont été vus à la télé. Parce que sinon, ça donnait rien. Ça donnait rien, selon l'agent de Freddie Mercury. Okay. C'était dépassé, c'était vieux. Les gens achetaient des disques et il n'y avait pas moyen. T'sais, on ne pouvait pas faire de pub pour ce disque-là. Ça se vendait tout seul, selon ce gars-là. Un homme de très grand flair. Le groupe décide également de prendre congé de la tournée après 10 années consécutives en 1983, alors qu'il retourne plutôt en studio pour travailler sur leur 11e album studio, Works, qui sera lancé en 1984. Il s'agit d'un album qui combine les succès Radio Gaga, Hammer to Fall et l'exécrable I Want to Break Free, que j'aborde personnellement. C'est une composition de John Deacon, bassiste de la formation, comme je l'ai dit, qui a été auteur de plusieurs succès, entre autres Another One Bites the Dust, You're My Best Friend, ainsi que d'autres. Mais I Want to Break Free, c'est personnellement une de mes pièces que je déteste le plus de Queen. Ah ouais? Ils ont fait des pièces un peu moins bonnes aussi. Works, qui est un album qui n'arrive pas à se classer dans les palmarès, et déçoit également les fans purs et durs de Queen qui ne se retrouvaient tout simplement plus dans les sons de synthétiseurs que le groupe avait intégrés à leur musique. De plus, la même année, Queen donne un concert en Afrique du Sud en plein apartheid, alors que les artistes refusaient de jouer dans ce pays ségrégationniste. Il y avait un boycott culturel qui se faisait. Il fut lourdement critiqué, donc malgré le fait que le groupe a insisté sur le fait que la foule était mixte. On essayait donc d'avoir le plus de blancs et de noirs dans la foule, mais bon, on peut quand même lever le sourcil. Heureusement pour Freddie et sa bande, tout va pour le mieux en 1985. Le chanteur s'est débarrassé de son gérant de pute flair et le groupe joue deux soirées consécutives dans le cadre du festival Rock in Rio devant 300 000 personnes sur les deux soirs. Et pourtant, à cause du scandale africain, oui, le groupe a perdu leur confiance en eux quand même. Queen arrive à se racheter pour sa bourde de l'Afrique du Sud. Le 13 juillet 1985 a lieu le Live Aid, un concert télédiffusé à travers le monde pour aider à amasser des fonds pour contrer la famine qui était, elle, en Éthiopie. On essayait de sauver un peu les jeunes Éthiopiens. 1,9 milliard de téléspectateurs étaient à l'écoute pour ce moment de télé historique, alors que Queen vole littéralement le show. Ah là, c'est vrai, par exemple. Ah oui, c'est vrai. Ils sont partis avec le spectacle dans leur valise. Ils sont partis avec. Bon, je recommence. Je recommence ma phrase, tu feras une coupure pour le montage. Excuse-moi, Simon, on t'aime. Non, c'est bon. C'est une bonne façon de me corriger. Tu sais, devant plein de centaines de milliers de téléspectateurs. Mais en amenant ça drôle. Hein? De téléspectateurs, de radio. Oui, oui. Radio, spectateurs. Oui, ils sont, radio, oui. Radio, auditeurs. Auditeurs, ouais, ça serait plus. Les écouteurs. Plus Donc, je recommence ma phrase. Okay. En fait, je vais recommencer le paragraphe au complet juste pour racheter du temps. Le groupe arrive à racheter plutôt sa bourde de l'Afrique du Sud. Le 13 juillet 1985 a lieu le Live Aid, un concert télédiffusé à travers le monde pour aider à amasser les fonds pour contrer la famine en Éthiopie. 1,9 milliard de téléspectateurs étaient à l'écoute pour ce moment de télé historique, alors que Queen vole figurativement le show dès leur arrivée sur scène à 6h41 du soir. Les 72 000 personnes entassées dans le stade de Wembley chantent et vibrent au son de Freddie Mercury, qui démontre à la planète entière qu'il est l'homme de la situation. Et pendant 25 minutes, Freddie Mercury dirige la planète, tout simplement comme des marionnettes. En 1985, c'est également la date de sortie du premier album solo de Freddie Mercury, Mr. Bad Guy, un album orienté autour de la disco et de la musique dance qui est malheureusement pas passé à l'histoire. L'année suivante, le groupe est engagé pour faire la trame sonore d'un film indépendant nommé Highlander. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. C'est le même Highlander. Les bébites, Highlander, Highlander avec Christophe Lambert. Je suis pas sûr. Hein? Vous connaissez pas ça? Il y a pas eu comme plein d'affaires de ça, plein de films. Film original, c'était Queen. Okay. Donc, cette collaboration naît l'album A Little Kind of Magic, sur lequel on retrouve la pièce titre, ainsi que le succès Friends Will Be Friends, ainsi que la pièce Who Wants to Live Forever, qui allait devenir éloquente à la situation de Mercury quelques années plus tard. Here we are, born to be kings. We're the you. People say you had Georgia. I'm a man that will go far, fly the moon and reach for the stars. With my sword and head held high, got a master test first time. Yeah, I know that people talk about me, I hear it every day, but I can prove it wrong, cause I'm right first time. Yeah, yeah. All right, let's go, let's go. Chanson thème du dessin animé Princes of the Universe, non? Non. Ça ressemble à ça, à vous. Je suis tout le temps sur les chansons thèmes, on dirait genre Thundercats ou tu sais, genre les émissions de télé pour enfants, genre. Non, mais c'est plutôt. We Princes of the Universe. C'est plutôt la chanson thème d'Highlander et de la série Highlander qu'il y a eu à la télé. Il y a eu aussi une série dessin animé, mais il n'y avait pas eu ce thème-là. Mais je sais pas, en fait, vous connaissez pas Highlander? Un peu, mais tellement vaguement. François Landry, lui, a déjà vu le film. Moi, écoute, c'est un film culte d'abord. C'est une série de films cultes et ça vaut vraiment la peine de voir ça une fin de semaine, les gars, vous louerez ça, là, votre vie va changer complètement. C'est des très bons films d'action avec Christophe Lambert. Okay. Mais bref. La même année, donc, le groupe entreprend ce qui allait devenir une des plus populaires tournées, ainsi que la dernière avec le roi Freddy. La tournée A Kind of Magic de Magic. A Kind of Magic est une des plus importantes de l'histoire, alors que le groupe joue deux soirs au stade de Wembley et, à défaut de pouvoir le remplir une troisième fois à cause d'indisponibilité à la fin de la tournée, eh bien, le groupe convie 120 000 fans à Knebworth Park, pour ce qui sera plutôt la dernière performance live de Freddie Mercury. Et donc, si on fait le calcul, deux soirs au Wembley Stadium, ça fait 72 000 personnes par soir, ça fait 144 000 plus les 120 000, ça fait 265 000 personnes en tout en Angleterre qui ont vu Queen seulement dans la région londonienne, dans les grands centres. Ce qui est assez incroyable. Le groupe décide de prendre congé pendant l'année 1987 et Freddie Mercury donc enregistre le simple de Great Pretender, originellement des Platters, ainsi qu'avec la soprano Monsterrat Caballé, avec elle, il va enregistrer l'album Barcelona qui mélange des succès pop et opéra. Malgré ce que les critiques trouvent cet album bizarre, il est un succès commercial lorsqu'il arrive dans les bacs en 1988. Et pendant cette année 1988, la rumeur commence à tourner que Freddie Mercury pourrait être atteint de la nouvelle maladie qui frappe la planète entière de plein fouet, le sida. C'est une maladie qui frappait alors le milieu homosexuel et on connaissait les habitudes un peu folâches de Freddie Mercury qui apparaissait donc de plus en plus amaigri avec des traits durs dans le visage. Pourtant, il dément la rumeur en assurant à la presse qu'il a changé son style de vie depuis que l'épidémie a commencé puisque plusieurs de ses amis proches sont décédés des suites du sida. Son ami de cœur, Jim Hutton, a été diagnostiqué séropositif un peu après Pâques de 1987. Et malgré tout, la rumeur continue et Freddie ne peut le cacher à son groupe et leur annonce la nouvelle comme si de rien n'était et insiste sur le fait qu'il ne veut pas que ça s'ébruite, qu'il tient à continuer à faire de la musique comme si de rien n'était. Queen décide donc de mettre toutes ses différences artistiques plutôt de côté et commence à travailler en fou. Il lance The Miracle en 1989 ainsi que l'album Innuendo en 1991. Malgré sa maladie de plus en plus présente, Freddie Mercury arrive à enregistrer malgré qu'il ait même du mal à marcher pour certaines pièces. Après l'enregistrement d'Innuendo, Freddie s'enferme chez lui pour éviter la presse et ses questions incessantes. Finalement, il admet avoir contracté le sida dans un communiqué de presse rédigé sur son lit de mort le 23 novembre 1991. Il meurt le 24 heures plus tard d'une pneumonie. Et donc, on a lourdement plutôt jugé Freddie Mercury pour ne pas avoir annoncé avant sa mort qu'il était atteint du sida. On disait alors qu'il aurait pu aider la cause et qu'il aurait pu même sauver des vies en parlant de ses expériences. Par contre, d'autres l'ont fait pour lui moins d'un an après sa mort. Effectivement, le 20 avril 1992, Queen, Def Leppard, Guns N' Roses, Elton John, David Bowie, Annie Lennox et Metallica font partie d'artistes qui rendent hommage au stade de Wembley, le même stade que celui de Live Aid, pour lequel se retrouvent encore 72 000 fans pour rendre un dernier hommage au plus grand chanteur rock de l'histoire. 1,2 milliard de personnes écoutent le concert à la télé et plus de 20 millions de dollars ont été amassés pour combattre le sida. Freddie Mercury a littéralement rocké le monde avec sa musique, sa fougue et sa prestance. Sa perte a été extrêmement douloureuse pour tous les fans de musique rock. Le 24 novembre 1991, le monde du rock n'a pas seulement perdu un chanteur de Queen, il a également perdu un des plus grands showmen de son histoire et son roi. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know this door. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime. Behind the curtain, in the pantomime. Hold the line, does anybody want to take it anymore? Et donc, c'était le show Must Go On de Queen. Freddie Mercury qui avait enregistré cette pièce-là couché sur une chaise à diagonale, si on veut. Ouais, c'est incroyable. En Italie. Il chante comme super un peu bien. Oui, il avait encore une voix incroyable. Et il disait, les gars de Queen, j'ai vu dans un documentaire, disaient qu'ils pouvaient travailler à peu près une heure non-stop. Après ça, il fallait qu'ils se reposent. Et des fois, ils étaient un peu comme en train de tomber à terre. Ils prenaient trois ou quatre shots de vodka rapidement pour pouvoir se huiler la gorge. Se huiler la gorge, être capable d'avoir une gorge claire. Et là, ils s'en allaient chanter pendant à peu près 15 minutes. Après ça, il fallait qu'ils se reposent. C'était incroyable à la fin. Il a arrêté de chanter peut-être deux jours avant de mourir. Et d'ailleurs, il avait dit en entrevue que la journée où il arrêterait de chanter, c'est qu'il serait décédé. Ouais. C'est ce qui était grave. Le spectacle doit continuer, comme il disait. Et effectivement. Quel homme. Donc, Freddie Mercury, merci Simon Fitzbay. Merci monsieur. Très intéressant. On te retrouve lundi prochain à Catalepsie. C'est les lundis soirs à 20h, ton émission thématique musicale. Mm-hmm. Sujet à déterminer. Il sera en relâche, en fait, lundi prochain, le 5 décembre. Ça revient l'autre semaine après. Oui, exact. Parfait. Les vendredis à 10h, c'est album classique. L'émission où on prend l'album, écoutez au complet, télégraphiste, le voulait. Effectivement. Voilà. Et puis, dans Rock Classique, c'est les éphémérides du rock, ça commence à 11h les vendredis matin. Voilà. Merci encore, Simon. Beaucoup. Merci. Et désolé encore de t'avoir corrigé. Ah non, mais c'est correct, c'est correct. Ça me fait rire. J'ai l'habitude. Non. Hey, là. On prend une petite pause et on vient avec François Landry, sa chronique politique Logocratie 101. Restez là. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. L'émission construite à partir de matériaux de qualité, Assemblage requis se poursuit jusqu'à 9h. C'est Assemblage requis avec François-Olivier Marchand et Mathieu Plante. Bon matin. Bon matin, François. Et ça achève, hein? François Landry. Oui, ça achève. Monsieur Landry, oui. Ça achève. L'émission. L'émission? Oui. C'est vrai. Une petite demi-heure. On se dépêche. Pressé. Botte le. Non? Hey, c'est la fête à François Landry. OK. Mais là, Simon est pas lourd. Ah. Il est-tu plate, hein? Ouais. Ah. La fête est gâchée, là. Ben oui. On sait plus ta fête. On change son jour. Non, c'est beau. C'est correct. Ouais. On va le faire tantôt. On accueille donc François Landry, voici sa chronique Logocratie 101. 101. 101, t'es où? Non, parce que j'étais encore sur Logocratie 99 à l'heure. 100. 101. Bon. Là. S'il vous plaît. Collègue. Le début est solennel. Dangereux. Royal. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le début est solennel. François Landry qui est littéralement en feu ce matin. Attention! Littéralement ou figurativement? Sortez les extincteurs. bonjour, bienvenue. Ben, merci. Oui, on a beaucoup de sujets à couvrir aujourd'hui. Oui, monsieur. Longue liste de 3-4 parties qui vont pas bien, là. Ça c'est des petites crises, hein, un petit peu partout. On sait pas trop ce qui se passe, mais cette semaine, quand je préparais la chronique, j'ai dit « OK, ça va mal au PQ, ça va mal au Parti vert du Québec. » Puis aussi, une petite crise existentielle à l'ADQ, la CAQ. La caca des culs. La caca du cul. La caca des culs. Ouais, je sais plus trop comment les appeler. La droite. La droite du Québec. Bon, ça va mal, là. Fait que je dis, pourquoi pas faire une belle grosse salade, une belle grosse macédoine de crise politique au Québec, mais crise avec un C très minuscule parce que ça n'aura pas de répercussions sur la donne politique actuelle. Mais c'est juste gentil de le ressoulever de même. Je suis qu'apprécie. Je suis sûr qu'apprécie. Je vais recevoir des courriels de « Pourquoi t'as fait ça? » Mais bon, parce qu'il y a une partielle lundi prochain, le 5 décembre. Et donc, toutes les petites crises se répercutent sur la campagne électorale. Donc, on verra le résultat, la résultante de cette élection. Qu'est-ce que tu penses qui va être élu, en fait, là? Quel parti, peut-être? Le Parti libéral et largement, oui. Oh, ouais. Parce que hier, Pauline Marois a fait une sortie. Elle prépare ses troupes à la défaite. Et ça, j'ai trouvé ça... Pauline, négatif un peu. Ouais, hein, négatif, en voulant dire, OK, gars, on fait un marathon, là, mais on n'est pas bon, on va marcher à la place. Oh, ben, oui, non, gars, à un moment donné, à la place, donne le dernier coup de cœur. Ben oui, un petit peu de bois-toi, puis au pire, tu feras une défaite honorable. Au moins, c'est ça, au moins, t'auras fait de quoi pour essayer. Ouais, mais hier, dans une conférence, elle a dit, c'est l'écart entre le Parti libéral et le Parti québécois est tellement grand que Faut s'attendre à peut-être manger une volée. Ah, ben oui. Et je veux rester chef du PQ, quoi qu'il en soit. Donc, hey, elle, là, décroche pas. C'est juste pour pas ça. Le morceau du tout. Au pays, parle pas, Pauline. Fais juste dire que ton candidat est le meilleur. Sylvain Roy est le meilleur. Il a une belle grosse moustache du Movember, mais annuel. Juste un Movember annuel. Et une 4 saisons, son affaire. Une 4 saisons. Et puis, on va se battre corps et âme pour déloger le Parti libéral, donc le symbole de Jean Charest. Et on va gagner, puis c'est tout. C'est ça, exactement. Et c'est ton travail. Oui, c'est la guide, c'est le berger du troupeau de moutons, mais j'aime pas la figure, ouais. Du troupeau. Bon, c'est quand même elle qui doit guider les troupes. Ah non, c'est incroyable. Et si le berger s'enfuit parce qu'il y a un loup qui arrive, excuse, mais les moutons vont sûrement manger la laine sur le dos. Hein. La grand-mère aussi, c'est ça? Oui, sûrement dans l'autre compte, ça. Ah, excuse-moi, je me mélange. Chaperon rouge. C'est ça. Ouais. Mais bon... Mais ça, c'est l'une des gaffes de Pauline. Ben, une des gaffes. Mais je suis plus capable, moi. Moi, sérieusement, écoute, parlez-moi plus de Pauline. Je suis plus capable. Ben, je... T'as pas fini, mon cher François-Olivier, parce que... Mais... Je vais faire la-la-la-la-la. Non, c'est incroyable. Je suis vraiment plus capable. Est-ce que tu l'as vu, à tout le monde en parle? Oui. Ouais? Ah, oui, j'ai juste écouté cette chronique-là juste pour voir c'était quoi. Puis, honnêtement, ça en est très bien sorti. Toi, tu trouves? Ah, très, très bien sorti. Elle lisait ses cartons et Guillaume Lepage avait son script sous ses fesses là, pour être certain que... Ben, ça lit mal sous les fesses. Hein? Non, ben, les comédiens font ça, ils mettent leur script sous les fesses. Donc, quand la prise a manqué, ils ressortent puis ils relisent. Ah! Ouais, ou tu sais, une pause ou... c'est rapide. Et voilà. Donc, c'était stagé. Là, en bon anglais, là, l'entrevue était scénarisée. Bon, ça peut pas faire de tort. C'est quand même 2 millions de personnes qui ont écouté, tout le monde en parle. 2 millions de personnes qui ont vu Pauline Marois bien s'en tirer, rire, ha, ha, ha, puis être people. Mais bon. Moi, je trouve qu'il était pas vrai. C'était pas... c'est un scénario. Ben c'est oui, scénario, mais... Donc, bon. Mais bon, pour revenir à la crise capable. De leadership... François, faites quoi pour ça, là? Non, ben, tu vas rire, là. J'ai 3 exemples ici que tu devrais savourer, ou du moins... je vais les savourer. Rire sarcastiquement. Littéralement. Guy Leclerc, on en a entendu parler de ce cher Guy Leclerc. Non, hein? Guy Leclerc. C'est un nobody, c'est un député nobody du Parti québécois. La semaine dernière, Pauline a décidé d'écarter Guy Leclerc du caucus jusqu'à la rentrée de février prochain. Son cabinet avait justifié cette expulsion en prétendant que le député avait reconnu être la source des fuites minant le leadership de Pauline Marois. Parce qu'on sait qu'il y avait toujours exclusivité. Une source anonyme nous confirme que Pauline Marois est contestée. Ça aurait été, je mets des gros guillemets et le conditionnel, ça aurait été Guy Leclerc. Donc, elle l'expulse du... C'est lui qui, justement, à tout le monde en parle, disait avoir mis dans le coin. Ouais, c'est ça, exactement. Elle l'a puni, donc, tu sais, l'élève, elle met le bonnet d'arme dessus, elle l'envoie dans le coin, va réfléchir 30 secondes. Mange la cape. Mais il a réfléchi juste 30 secondes parce que cette semaine, elle l'a réintégré. Oh. Parce qu'il s'est excusé, il a écrit une belle lettre dire « Pauline, c'est ma chef, je l'adore, c'est une femme de confiance. » Il a fait sa copie 1000 fois la même phrase. Ah, exactement, donc, le méchant élève... Il veut sa paye, tu sais. Hey, exactement. Mais là, par contre, Daniel Ratté, elle l'a expulsé carrément. Daniel Ratté, c'est qui ça? Un autre nobody du Parti québécois. C'est Guy Leclerc, Daniel Ratté et 8 autres candidats. Ce sont des nouveaux qui se sont fait élire en 2008. Donc, eux autres, ils veulent gagner absolument la prochaine élection pour être certains d'avoir leur pension de vieillesse du gouvernement, qui est quand même, après 6 ans de députation, tu peux être payé jusqu'à la fin de tes jours. Donc, un très bon salaire quand même. Plus que nous autres qui travaillons 35-40 semaines. C'est quand même non négligeable. Donc, Daniel Ratté, la presse avait révélé le 24 novembre dernier que des pourparlers entre Daniel Ratté et François Legault avaient lieu. François Legault de la CAQ et Daniel Ratté du PQ. Et donc, là, Pauline Marois, mise au parfum de ça, rencontre son député et exige de lui qu'il nie formellement, donc officiellement, toute relation avec le Parti québécois. Avec la CAQ, pardon. Ce qu'il a nié de faire. Ce qu'il n'a pas voulu faire. Ce qu'il n'a pas voulu faire. Donc, à l'expulser, carrément. Il siège maintenant à titre d'indépendant, un nouveau... Un autre sur la gang. Donc, lui, il se dit toujours souverainiste, mais il n'a pas confiance à la souveraineté. Fait qu'il dit... Bon, du moins, pas pour l'instant. Qui est souverainiste, mais qui n'en veut pas en parler? François Legault. Ben oui. Ben, okay. Donc, François Legault, un grand nationaliste, un grand souverainiste, mais qui ne veut pas en parler. Donc, on va aller le revoir. Oh. Mais encore là, eux autres, c'est comme pas bien. S'ils veulent vraiment être élus, je suis pas sûr que ça va être avec Pauline que ça va se faire. sais que tu l'aimes pas, Pauline, mais on le sait pas pour l'instant. Ouais, non, on sait pas, mais en même temps. En politique, tout peut arriver. Ouais, tellement et ça peut changer, oui. Exactement, parce que, vois-tu, on parlait aussi des déboires de Jean Charest oui. au début de la session. Puis Jean Charest, là, va très bien. Ben, écoute, lui, il s'endort la nuit, puis il fait aucun cauchemar. Là. Non, il fait pas un son. Puis... Il fait pas un son, là. Écoute, on n'entend pas parler, c'est voulu. Ben, à part pour le plan Nord. Puis il va gagner des partiels. Oui, c'est ça le pire, hein. Il est à 30%, même pas, il est à. En bas de 30% des intentions de vote, lui, là, il va gagner pareil. C'est incroyable. Moi, c'est ce qui me fascine du peuple québécois. Donc, on parlait un autre indépendant en 2008. Okay? C'était le 8 décembre 2008, les dernières élections. Donc, on est à une semaine de la quatrième année du mandat. Il y avait 51 députés péquistes. Aujourd'hui, trois ans plus tard, on est rendu à 45. Si la tendance se maintient, comme dirait le grand Bernard, l'ami de tous, Bernie, weekend chez Bernie. D'ici la fin du mandat officiel, il va quoi en rester 4-5 ou c'est énorme, c'est énorme. C'est juste depuis le juin là qu'il y a autant de démissions. Donc Pauline, ça reste. Écoute. Mais le vote de confiance. Hey, le vote de confiance, on en parle juste là présentement. L'association des Mille-Îles, ça c'est une circonscription. C'est une vinaigrette aussi, je pense. Mille-Îles. Okay. Ah, ça se peut, ouais, ça se peut. Vinaigrette grecque, non? Je sais pas. Mille-Îles, non? OK. Donc c'est un comté de Laval. Et c'est eux autres qui, le 2 novembre dernier, avaient demandé de faire inscrire au Conseil national dans l'ordre du jour le point vote de confiance sur le leadership de Pauline Marois. Et donc, dès le lendemain, le Parti québécois a dit « On retarde notre Conseil national parce qu'on peut pas aller faire un Conseil national la veille des élections partielles. » Donc, ça aurait été en fin de semaine, le Conseil national, donc le 3-4. On peut pas faire démissionner notre chef live alors qu'on a une partielle à gagner. On va retarder à la fin janvier le Conseil national. Et pendant ça, là, on va aller brasser la cage aux membres de Mille-Îles. Et c'est ce qui est arrivé. Ah ouais? Oui, monsieur, parce qu'ils ont retiré leur proposition. Ah, t'es pas et sérieux. Ils ont même fait un vote pour dire « Mille-Îles appuie Pauline Marois ». Ben non. Mais Kim, comment est-ce qu'elle fait? J'aimerais avoir son équipe rapprochée. Elle doit être armée. Mais c'est quoi? Est-ce que c'est des... Des goons? Ouais, des gros bras? Aucune idée. Je ne connais pas sa garde rapprochée. Mais je sais que dans le Parti québécois, c'est tellement un parti d'émotion que oui, il peut y avoir eu des discussions assez mouvementées. Enflammées, oui. Mais de là, est-ce que tout le monde change le fusil d'épaule? Je ne sais pas ce qui se passe. Honnêtement, je ne sais pas. Est-ce que c'est des sauts d'humeur? Est-ce que c'est des négociations serrées? Est-ce qu'il y a des promesses? Oui, des promesses. En politique, ce n'est que des promesses. J'en ai aucune idée, François, c'est, pour être franc. Là. Mais ça m'a sauté aux yeux quand j'ai vu ça. C'est une petite brève. Mille-Îles, coup de théâtre, Mille-Îles retire sa proposition. Mais c'est pour ça que j'aime ta chronique. Mais écoute, ça fait partie de logocratie. On l'avait déjà dit. Lire entre les lignes, le vrai message. Bon, là, on change de parti. Là, moi, ça me tente de rire. Bon. Hein? On parle de CACADQ? Non, on parle du Parti vert du Québec. Oh, Parti vert, OK. Oui, monsieur. Parce que bon, ce qui est aussi peut-être. En tout cas, parlons pas de. Ouais, on imagine le mot, là. Vert, puis CACADQ, ça va faire. Vas-y. OK. Là, j'ai une joke après pour toi, Mathieu, que tu vas aimer. Ah, j'ai hâte. Ouais, pour la CAQ. Merci. Dans Bonaventure, bon, il y a une élection partielle le 5 décembre prochain. Et le candidat Jean Cloutier a, dans un deuxième débat, dit aux électeurs: ne votez pas pour moi. Ceux qui sont souverainistes, là, votez pour le Parti québécois. Wow. Donc, les verts souverainistes, votez pour le Parti québécois. S'il vous plaît. Parce que je ne veux pas que le Parti libéral gagne et encore moins le Québec solidaire. Tout un candidat, ça. Donc, lui, quand il a dit ça, écoute, ça a fait la une des journaux. La deux des journaux, disons. Ouais. Peut-être pas la une. Là, après, je suis dans un arbre. Exactement. Donc. Mais c'est toute une lumière, là. Écoute, moi, j'avais hâte de voir la réaction du chef du Parti vert parce que lui, honnêtement, lorsqu'il publie des communiqués de presse, c'est Yvon Deschamps. C'est chiant pour Yvon Deschamps, là, mais c'est drôle. Ah, je pars à rire à chaque fois. Et j'ai pas été déçu cette fois-ci non plus, parce que dans le communiqué de presse, il dit, à la suite du geste de Jean Cloutier, c'est emmerdant, c'est certain, a réagi le Parti vert Claude Sabourin. Donc, Sabourin accuse maintenant le PQ de maraudage, dans le communiqué de presse toujours, là. Il accuse Pauline Marois qui a sollicité une rencontre avec lui, Jean Cloutier, la veille du débat. Elle l'a rencontré à son bureau. Elle lui a fait miroiter je ne sais quoi. J'ai dit à M. Cloutier que ce n'était pas une bonne idée, mais je ne suis pas son père. Et je ferme les guillemets. Écoute, c'est savoureux, là. Moi, j'adore lire ça. Mais encore là, on voit les manigances, entre guillemets, de Pauline. Mais est-ce que c'est vrai, ça, je sais pas, mais c'est Claude Sabourin qui le dit, donc prenons pour acquis que c'est ça, mais j'ai pas la version du Parti québécois, puis ils se défendront pas là-dessus non plus. Non, c'est sûr. Donc, mais Cloutier, ça répète de la psychologie inversée, là, tu sais, quand tu dis à tes enfants, tu sais, touche pas à ça, ben c'est sûr qu'ils vont être touchés, alors tu dis, ben touche à ça comme tu veux, ils toucheront pas. T'sais. Ouais, faudrait juste voir. Ouais, non, je serais curieux, Mathieu, effectivement, on a eu des sondages cette semaine pour Bonaventure, j'ai bien hâte de voir le résultat. Tout le monde va avoir voté pour lui. Parce que le Parti vert a présentement 2% dans Bonaventure. Et le Parti québécois a 35, ce qui est quand même honorable, mais le Parti libéral a 40 quelques. Donc, est-ce que le 2% va s'ajouter au 35%? On verra bien. Mais M. Cloutier, c'est pas n'importe qui ici. C'est le vice-président du Parti vert du Québec. Et il est aussi le président de l'aile québécoise du Parti vert du Canada. Et M. Sabourin, donc le chef, a aussi dit dans une entrevue, a-t-il toujours la légitimité d'occuper ses postes? Le Sabourin a dit, c'est certain qu'on va avoir une très bonne discussion dans les prochains jours. Écoute, il va laisser passer les élections, il va sûrement se rendre d'ici là. On va voir les résultats. Il le sait ce matin, sûrement qu'il va y avoir une petite lettre de démission de pré-signée. On verra. Elle est déjà faite. Ça, c'est la saga du Parti vert du Québec. Mais aussi, ce qui est... bien, c'est que Georges Larraque, vous connaissez, l'ancien joueur du Canadien, qui est maintenant un porte-étendard du Parti vert du Canada. Végétarien, il a tout changé. Il a tout changé du tout. Donc, il va aller passer la fin de semaine et le 5 décembre prochain avec le Parti vert dans Bonaventure. Il va casser des gueules. Pour... tu ris, mais sa fonction officielle sera chauffeur et bodyguard. Pour vrai, c'est marqué. Oui, on a bodyguard. Bodyguard. Puis c'est plate parce que tous les caméramans, tous les journalistes vont être autour de lui. Oui. Et puis, écoute, le candidat passe complètement inaperçu. Exactement. Ben bon, ça, c'est... Ils ont couru après. Crise existentialiste à la CAQ-ADQ. Oui. Bon, mon gag, Mathieu. Je sais que tu vas l'aimer. Je l'attends, attention. Okay. Vas-y. Okay. Parce que au NPD, on s'entend que le 2 mai dernier, c'était la vague orange, donc les couleurs du parti. Oui. Donc, on a toujours dit la vague orange a balayé le Québec. Mm-hmm. Mais la CAQ a tellement de couleurs. A tellement de couleurs. Là. Quand tu mélanges toutes les couleurs, là, ça donne quoi? Du brun. Du brun. Du brun comme la CAQ. Ça va être de la grosse... qui va déferler sur le Québec, probablement. Ça va squirter. Okay. Oui, monsieur. Hein? Ouais, j'ai eu une flash cette semaine. Je suis trop loin. Si tu mélanges toutes les couleurs du logo, ça donne, ça donne la main. C'est comme une slush. Et puis ça va. Ouais, ben, c'est la slush, c'est quand même bon. Oui, il y a ça. Tu tires ça. Mais non, c'est sucré et savoureux. Donc, les négociations se poursuivent activement entre les deux représentants de l'Action démocratique du Québec et ceux de la CAQ, la Coalition Avenir Québec. Les deux chefs, Deltel et Legault, se parlent directement désormais et non plus par personne intermédiaire. Pour l'heure, l'objectif des deux formations est d'en arriver à une entente à la mi-décembre, donc demain matin, avant Noël en tout cas, et de constituer une première équipe de députés caquistes le 14 février prochain. Donc, pour Saint-Valentin, on aurait déjà une députation caquiste. Oh. Mais c'est pas encore fait. C'est pas encore fait parce que qui va décider de l'alliance? Est-ce que ce sont les chefs? Est-ce que ce sont les députés élus, donc le caucus? Ou, ben donc, les membres? Et on sait que l'ADQ a quand même 13 000 membres. Comment vont-ils les consulter? Vont-ils les appeler un par un pour dire « Hey, toi, Georgette, t'es-tu d'accord, oui ou non? » C'est un sondage sur Internet. C'est un sondage sur Internet? C'est qui? C'est qui qui parle? Des quoi? J'en veux pas de bon bord. Donc, pour l'instant, ce sera un vote postal. Mais tout le monde se souvient que l'ADQ a déjà utilisé le vote postal pour élire un chef. En 2007-2008, on s'en souvient tous de Omar Bongo qui avait voté. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Omar Bongo, c'est quoi ça? Pour Gilles Taillon? Oui, il y a le président du Gabon qui avait voté pour Gilles Taillon. Infoman. Infoman, oui. Donc c'était par un vote postal. Oui. Donc il était devenu membre de l'ADQ, il avait reçu son bulletin de vote, avait inscrit Gilles Taillon et Gilles Taillon avait gagné de par deux votes sur Éric Kerr, à l'époque ADQiste. Et donc, quand ça a été annoncé, c'est ça. Donc, Omar Bongo s'est retiré. Son vote a été annulé. Ah oui? Bon. Ben, il avait pas le choix. Donc, il a gagné. Premièrement, il était mort. Deuxièmement, il n'avait pas le droit de vote. Il était inexistant. Okay. Donc, ils ont éliminé son vote. Donc, Gilles Taillon a gagné par un seul vote. Donc, Gilles Taillon n'a pas eu le choix de démissionner. Éric Kerr et Marc Picard ont démissionné, ont quitté le caucus. Donc, ça a été l'implosion de l'ADQ. C'était une saga des téléséries américaines. Tu sais, le frère jumeau qui revient après 30 ans. C'était carrément ça. Donc, ils peuvent réitérer l'expérience avec le vote papier, le vote par... Pas sûr, là. Mais il y a beaucoup de frilosité à l'ADQ pour ce genre de vote parce que ça me tente, moi, de devenir membre. Je m'inscris en tant que... Ça nous tente-tu? Moi, le crabe castagnette. Omar Bungo, crabe castagnette. Ouais, non, c'est bon. Ouais. C'est bon. On garde contact, puis on va noyauter l'ADQ. En parlant de noyautage, une petite brève demain parce que le temps avant, 30 secondes, ton temps, juste vrai. 30 secondes. Non, vas-y. Je voulais pas en parler aujourd'hui, mais bon, puisque Mathieu m'accorde généreusement tout le de temps son que temps. Tu veux. Oui, mais, oh merci. Donc j'ai une chronique d'une demi-heure. Voilà. Non, parfait. À Laval, l'Université Laval, il y a des caucus de Parti québécois qui se forment, qui existent. À l'UQTR, il n'y en a pas parce que c'est interdit d'avoir... Avec les étudiants? Avec les étudiants. Okay. Donc, c'est interdit, mais il n'y en a pas déjà eu? Il ne peut pas en avoir. Okay. Il ne peut pas en avoir. Il y a le Parti libéral qui en a un ici, mais c'est illégal, ça a l'air. Ah ouais. Donc, il faudrait juste... En quoi c'est illégal? L'UQTR ne reconnaît pas les partis politiques sur les campus. Donc, l'AGE est la seule instance politique. Okay. Mais ça, c'est une autre histoire. Je pourrais faire une autre chronique sur l'absurdité de la chose. Oui, monsieur. Je l'assume. Donc, à Laval, il y a plusieurs caucus qui se sont créés. Les Québec solidaires ont un caucus là-bas, le DQ a un caucus, le Parti vert a un caucus. Mais ça, c'est bien, par exemple, pour que les étudiants puissent s'impliquer en, oui, fait, dans la vote. Oui, justement, donc faire sortir le vote, l'implication citoyenne. Mm-hmm. On dit toujours aux étudiants qui sont amorphes lorsque vient le temps de parler de politique, inertes, ils ne connaissent absolument rien. Mais au moins, dans ces universités-là, il y a beaucoup de soubresauts. Tant mieux, il y a un débat qui se crée. Il y a un débat, c'est ça, exactement. Au moins minimalement. Mais là, il y en a eu tout un cette semaine et c'était beau à voir. Est-ce que les médias se sont fait piéger? Je crois que oui. Ça a brassé ou? Ça a brassé énormément. Parce qu'il y avait une assemblée générale annuelle du caucus. Donc, obligatoire selon la loi du DGE. Pour du caucus du Parti québécois? Laval. OK. De l'Université Laval. Donc, ils font leur assemblée générale et plusieurs, voire la moitié des membres dans la salle, il y était une trentaine, donc la moitié de ça, provenait du réseau Résistance du Québécois. Donc, qui est la branche militante de la radical. Souveraineté. Radical? Non, de la souveraineté. Donc, okay. Eux autres, ben, radical, oui. C'est Patrick Bourgeois qui est le chef de ça. Patrick pas chanteur des bébés? Non. Ouais. Un autre, là, celui qui... Ça aurait bien. On était excités. Ouais. Tu sais, c'est genre le... Ah, OK, je mets des très gros guillemets avec des gants blancs, là. C'est le FLQ des temps modernes. Oh. OK, mais sans les armes, sans le discours, faire péter des bombes et tout ça, là. Mais c'est la branche radicale de la souveraineté. Eux autres, ils veulent la souveraineté par tous les moyens. À tout prix. Sauf prendre les armes pour le moment. Là. Non, pour le moment. Pour le moment. Ben ça, je ne veux pas m'avancer. Ah non, okay, okay. Mais bon, le ARQ, qui a une cellule d'ailleurs à Trois-Rivières, qui est très active, mais ils ont, à Laval, ils ont noyauté l'instance du Parti québécois, se sont fait élire sur presque tous les postes de l'exécutif et ont fait une proposition. On dit, nous autres, on quitte le Parti québécois pour rallier Option nationale. Parce qu'Option nationale, on sait qu'il veut la souveraineté là. Là. C'est pas dans 50 ans, c'est là. Donc, la résolution n'était pas recevable parce que ça vient modifier l'ordre du jour, de par les lois. Donc, ils ont été obligés de démissionner. Donc, ils ont émis un communiqué de presse pour dire l'exécutif de Laval démissionne en bloc et rejoint Option nationale. Ce qui est totalement vrai. Mais s'il y avait eu un journaliste de présent, il aurait expliqué pourquoi. Mais là, c'était dans le Devoir d'hier. Sur la une, ben, dans un coin, c'était les péquistes de Laval quittent pour Option nationale. Donc, il n'y a plus de péquistes à l'Université Laval. Sauf que là, il y a eu un petit erratum et dans la journée, il y a eu un complément pour dire « OK, c'était l'exécutif qui était en poste depuis 5 minutes qui a démissionné. » Donc, il y a eu un nouvel exécutif d'élu de par la démission. Donc, ils ont... mais tu sais, tout ça pour dire que, oui, les journalistes se sont fait piéger parce qu'ils ont reçu le communiqué de presse et ils ont mis sur papier... ils ont fait imprimer le communiqué de presse tel quel sans poser de questions. Ouais. Mais tout ça pour dire que même dans le PQ, ça peut brasser s'il y a des infiltrations comme ça. Il est à membre, les gars étaient membres du Parti québécois et ceux qui ont quitté. Donc, ça, même dans la base militante, ça commence à grenouiller. Et puis, Jean-Martin Haussan, le chef d'Option nationale, a dit « c'est pas moi, mais bon, on a les mêmes membres. » Donc, ça se pourrait qu'à un moment donné, il y a des membres du PQ qui... Ben oui, qui quittent. Comme pour la même chose pour la CAQ. Exactement. Donc, il y a un échange, un pool. Là, OK, là, on échange. Je t'en donne 3, tu prends 4, puis ton premier choix. T'sais. Ou j'en ai repêché 3, toi, va-t'en. Ouais, c'est ça. Toi, je vais te donner une promesse. Là, pis, mais bon, c'est beau. C'est le fun de ce qui se passe. Moi, je trippe. Ça bouge, hein? Ça bouge. Et bon, ma prochaine chronique sera sur le retour du 5 décembre, élection, peut-être la dernière de Pauline Marois. Peut-être. Souhaitons-le selon François. Ah, oh, s'il vous plaît, faites-moi plaisir. Non, quand non, tu limites, on dirait un ogre. Ouais, sérieux. je développe une intolérance. Une intolérance. Prochain verre de lait que tu vas lire, ça peut contenir du pollen. Non, non. Sans pollen. Être malade. Gluten. Malade. Du gluten. Hey, merci beaucoup, François Landry. Ouais, c'est son anniversaire. Simon n'est pas revenu. Ah, encore. Simon n'est jamais revenu. C'est mais plate. Oui. C'est plate. Ah, il est là, il est là. Ah. Attention, on va ouvrir la porte. On va tout chanter ça en même temps. C'est ça. C'est il nous écoutait dans le corridor. Faut chanter bonne fête à François. Chut, faut pas y dire ferme la lumière. Non. Faire une surprise. OK. Oh. Attention, les lumières sont fermées. Là, faut que tu ouvres les lumières, par exemple, pour faire la surprise. Attention. Surprise! Surprise! Bonne fête, François! Top, top! Bonne fête, François! Top, top! Bonne fête! Bonne fête! Bonne fête, François! Merci, une magnifique journée à vous. Ouais, oui. Merci beaucoup. Et sachez que si vous présentez en élection, je vais être votre premier membre. Oui. Oh boy, promesse tenue. Parfait. Promesse tenue. On va pouvoir se mettre des barbes imprimées sur des feuilles. Oui, le parti barbu. Oui. Oui, ça pourrait être ça. Au lieu des soucis d'Ignatieff, ce sera la barbe à François. Parfait. On va mettre taguer des barbes partout sur Facebook. Là, ça oui. va être drôle. Vous ne faites pas raser pour le fin du November? Ça? Non, parce que, vois-tu, on a François-Olivier et moi. On a conclu un deal. Parlez-en. Ah, tu veux qu'on en parle? Oui, oui, on a le temps. Mais justement, j'avais une couple de questions à ce niveau-là. On peut en faire hors micro. Puis ouais. Il n'y avait pas un truc de poils de jambes aussi puis de poils de petit bas? Okay. Pour faire une histoire très, très, très, très, très courte. François-Olivier a une très belle moustache qu'il arbore fièrement. De motard. Une moustache de motard. S'il portait une casquette de cuir, je m'enfuirais à toutes jambes. Oui, c'est ça. Ça, c'est clair. Il est menaçant. Il est menaçant. Mais nous avons une amie commune qui, elle, s'occupe du Movember à l'AGE. Anne-Julie. Anne-Julie. Là comme ça, mettons. Anne-Julie. Anne-Julie, un nom. Pour les intimes. Ouais. Et puis, elle a taquiné François tout le long du mois avec sa fabuleuse moustache qui coûte... viril, plante, visuellement parlant. Ouais. Et là, François, c'est tanné. Tu sais, il a un moment donné, arrête, là, je suis tanné. On connaît la patience envers Pauline. Imagine envers Anne-Julie. Donc là, moi, hier, j'ai, entre guillemets, violé le Facebook de Anne-Julie. Wow. Elle l'avait laissé ouvert comme ça sur son bureau, donc j'en ai profité. Violé, j'aime le terme. Ben, c'est ça qu'elle a utilisé, mais je veux pas. Moi, c'est un emprunt volontaire. J'ai emprunté volontairement, en toute bonne conscience, son Facebook, et je l'admets, je l'ai reconnu. Et j'ai pris la personnalité d'Anne-Julie pour relever un faux défi que je lui avais lancé. Donc, Anne-Julie devra se laisser pousser le poil partout tous sur les le poils. Corps. Tous les poils. Et c'est son poil, tous les poils. Tous les poils de son corps du 12 décembre au 12 janvier. OK! Date, du 12 bizarre. Décembre? Ouais, du 12 décembre. Là, ah, non. Donc, je peux me raser? Non. Non? Mais non, mais non, faut que tu gardes. Du 12 décembre au 12 janvier, elle, nous autres, faut continuer à vivre normalement. Mais pourquoi cette date-là, pourquoi pas 1er décembre, là, aujourd'hui? Là? Parce que le 1er janvier, on serait comme pas là. Ah, vrai. C'est pour ça. Okay. Alors, on recommence le 11, donc c'est le temps d'une journée. Logique. Donc, le 12, Anne-Julie devra présenter son imitation de Chewbacca. Ah, d'accord. Chewbacquette, mettons. Chewbacquette. Oh, c'est bon, ça, Chewbacquette. J'aime ça. Et François-Olivier devra, en punition, chanter live en studio et filmer une chanson. Oh, filmer. Ah, oui, c'est là que tu rajoutes ça. T'as accepté le deal. Avec mon énorme moustache. Une chanson de Jérémy, tu sais, le petit Jérémy qui chante avec le pape, oreilles, là, ouais, ouais. Parce qu'il ressemble à François-Olivier selon Anne-Julie. C'est fin, ça, c'est un beau. C'est... Et moi, j'ai lancé comme défi à François-Olivier une chanson soit de Jérémy, de Francis Martin ou de Nana Mouskouri. Ah, OK. Live. On devra faire ça. Et s'il le fait et Anne-Julie se transforme en Chewbacquette, je me rase la barbe. Aïe, aïe. Ça fait depuis 2005 que je porte la barbe. Oui, oui. Et hier, ma blonde est venue dans mon bureau et elle a enguirlandé Anne-Julie pour dire « Je ne veux pas ». Non. Ah ouais, vrai? Oh, oui. Elle aime ça, là. Ah oui, oui, oui. Elle m'a vu pas de barbe. Mais ça va être spécial, ça va être spécial. Ouais, c'est un excellent moment de radio, ça, pour vrai. Oui, monsieur, à radio, peut-être ça? Live, ouais. Oui, on pourrait faire une émission spéciale. Faux. Et puis, donc, si ma blonde veut pas, elle m'a promis que je coucherai sur le fauteuil. Mais je crois que ça va valoir la peine de coucher sur le fauteuil juste pour voir François-Olivier s'humilier devant les millions d'auditeurs. Wow. Parce qu'on va enregistrer ça, c'est certain. C'est certain. MP3 et vidéo, donc YouTube. Totalement. Je vais me gâter. Donc, je vais pouvoir le faire chanter. Mais, OK, oui, je suis d'accord avec toi. Je vais me faire humilier solidement. Mais j'avais l'idée aussi de faire des chandails. À ton effigie, en fait, j'ai trouvé une photo. Non, déjà une photo. La photo n'existe pas. La photo existe. Ah, pas la photo d'Halloween. Ouais. Oh. Ben, en fait, on n'est pas sûr que c'est vraiment l'Halloween. Non, c'est ça. On présume, mais j'espère que c'est l'Halloween, bon temps. Bon temps. Bon temps. Donc, si je suis filmé, vous allez voir, en fait, je vais arborer fièrement un beau chandail. Super. Ok, c'est correct. Un chandail, je permets Ben écoute, je peux en fournir un. Je vais en fournir un à Anne-Julie aussi. Non. Mais bon. Parlant de barbe et de poils, je me suis mis dans les plats, moi aussi, par rapport à ma barbe. J'ai mis au défi l'association d'histoire d'accumuler 100$ pour le Movember. Oh! Et de raser, aujourd'hui? Raser la barbe aujourd'hui. Il faut que ça soit, par contre, tous les membres d'histoire et non pas personne d'extérieur qui font. OK, je peux pas... Non, c'est ça. Tu peux pas arriver avec toi, tu sais, avec tes gros salaires de DG, de ben donner oui. 100$. Non, mais je pense que je vais garder ma barbe, par contre. Non! Je sais pas, moi, ça fait depuis 2004 que je l'ai. Je suis un diplômé d'histoire, donc j'ai un prérequis. Donc, je vais cotiser immédiatement. Ça, c'est vrai, par exemple. Hein? La moitié. Oh! De... Il est sorti un 50. Ah ouais, c'est pas moi qui fais de l'argent ici. Merci son cadeau de fête. Un beau 50 roses, toi, c'est. Wow! Pas... Il le remet subtilement dans son portefeuille. Ouais. C'est pas les nouveaux, hein? Non. Bon, parce que c'est juste des 100, les nouveaux. Je m'en suis pas rendu là. Donc, le défi lancé, ce sera sur nos ondes. C'est certain, ça n'a pas le choix, parce qu'à un moment donné, de la radio comme ça, ça s'achète pas. Là. Mais je peux pas, raser aujourd'hui? Non. Non? OK. Faut que tu la gardes fièrement. Donc, tu es au courant? Merci. Oui, certain. François Landry, merci. Ça fait plaisir, grandement plaisir. Moi, je me mets du bord à Anne-Julie en passant. Je vais devoir chanter. Mais hey, Anne-Julie va m'accompagner aussi. Là. Oh, il faut qu'elle monte au public. La choriste. Oui. On peut mettre des instruments de musique, peut-être petite flûte, xylophone, quelque chose de genre. Oui, Jasmine qui avait apporté un pipeau, je sais pas trop. Là, ça... Un pipeau. ça, c'était louche. C'est juste une flûte, xylophone et une tambourine ou un tambourin. Okay, c'est bon. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine, c'est jeudi à 8h30. Merci encore. Ça fait plaisir. Nous, c'est la fin de l'assemblage requis pour cette semaine. Hein? On se dépêche, on termine ça. Simon Fitzbé, on te remercie beaucoup. Oui, merci. Beaucoup. Merci de m'avoir fait passer 25 minutes dehors. Désolé, en fait, t'aurais dû cogner, je pensais. Que... Il cognait pas assez fort. En ondes, franchement. Il allait littéralement casser la porte. Donc, François, Olivier Marchand, merci. Merci, Mathieu Plante. Merci à tout le monde qui a participé à l'émission cette semaine. On se retrouve lundi matin à 7h pour notre édition de l'assemblage requis avec la présence de Xavier Antoir, Kiwan, en cavale. Et Nicolas Ducharme. Restez sur nos ondes. Dans quelques minutes, la sécheuse. Après ça, à 10h, je serai de retour pour CNX.zip, l'émission qui comprend ses collègues technologiques CNX. À 11h, c'est le dîner de con avec Danny Janvier. À 13h, 6 degrés avec Kim Bergeron. Je reviens encore une fois et pour la première fois à la co-animation, ma co-animatrice a invité Jasmine Raymond-Dréville. Je vais co-animer donc les palmarès, c'est fou avec moi cet après-midi à 14h. Puis allez voir le reste de la programmation sur CIF.ca et retrouver les notes de l'émission et les balado-diffusions sur assemblagerequis.com. Passez une excellente fin de semaine. Bonne fin de semaine et allez vous faire couper la moustache à Simon à la chasse galerie aujourd'hui. C'est vrai, le rase au ton, je suis en arrière de lui. C'est toujours des filles au palmarès. Hein? Moi, tu m'as jamais invité à co-animer. Tu connais Mathieu Plante. Ouais, c'est ça. Connais Mathieu Plante, alias La Verge. On laisse faire. Quoi? Quoi? On laisse faire le professionnalisme et on prend des filles. Outrage! Hey, fais pas semblant que tu le savais pas. On appelle le trépied. Hey, bye. Bye. On se quitte sur une pièce de Salomé Leclerc. Ah. Ne reviens pas. Comme dans Ne reviens jamais dans ce studio. Toi non plus, jamais de palmarès avec toi. On pourrait tous les gars de C'est fou animer les palmarès C'est fou ensemble une semaine. Oui. Ce serait pas pire. Vendu? Vendu. Ma bière est comme souvent pas là. Donc, Quand François aura plus de moustache. Tu ne verras jamais ramper dans la boue. T'as qu'à éteindre le jour pour ne pas voir les morsures.